Mon enfant de Berlin. Mon enfant de Berlin. Dan Wieszemski. Adaptation Victoria Cario. Premier épisode. La guerre n'est pas finie. Allô, allô. Ici le service d'information du 6e groupe armé. En septembre 1944, Claire, ambulancière à la Croix-Rouge française, se trouve encore à Béziers avec sa section. Elle a 27 ans. C'est une très jolie jeune femme avec de grands yeux sombres et de hautes pommettes slaves. Si on lui en fait compliment, elle feint de l'ignorer. Elle n'a pas le temps de se contempler dans un miroir, ou alors fugitivement et toujours avec méfiance. Elle souhaite n'exister que par son travail depuis son entrée à la Croix-Rouge, un an et demi auparavant. Son courage moral et physique, son ardeur font l'admiration de ses chefs. Ses compagnes, parfois issues de milieux sociaux différents du sien, ont oublié qu'elle est la fille d'un écrivain célèbre, François Mauriac, et la considèrent comme l'une d'entre elles. Rien de plus. Cela la rend heureuse. Elle aime ce qu'elle fait, la nécessité de vivre au jour le jour. Au volant de son ambulance, quand elle transporte des blessés vers des hôpitaux surchargés, elle se sent vivre, pour la première fois de sa jeune vie. Une vie sans passé, sans futur, une vie au présent. Mon enfant de Berlin, Dan Wieszemski. De sa chambre, Claire regarde les toits de Béziers, la lumière dorée de la fin d'après-midi sur les tuiles. Les cloches sonnent. Sur la grande table qui lui sert de bureau, son précieux poste de TSF et un bouquet de roses de jardin. À côté du vase, le cahier où elle relate, quand elle peut, le récit de ses journées. Son journal. En le feuilletant, Claire s'attarde sur les pages où elle parle de Patrice, prisonnier en Allemagne. Elle lève les yeux vers son portrait et le contemple avec attention. Il lui semble qu'elle ne se souvient plus exactement de sa façon de se mouvoir, du timbre de sa voix. 19 décembre 1943. Journée tout entière passée chez les parents de Patrice, alors que je n'y étais venue que pour le déjeuner. C'est extraordinaire comme j'aime cette famille. J'ai vraiment l'impression d'être des leurs. Ses frères lui ressemblent beaucoup. Nous avons naturellement parlé de Patrice. Comme ils l'aiment et comme leur amour déborde sur moi. À leurs yeux, je suis celle que Patrice aime et je suis sacrée. En plus, ils me trouvent très jolie. Comme j'ai changé depuis l'année dernière. Il y a un an, j'étais très malheureuse. Patrice n'était rien ou presque rien pour moi, alors que maintenant, il a pris une place qui grandit tous les jours davantage. Je pensais à lui avec ennui et j'avais presque peur de le voir revenir. Maintenant, je compte les jours. Je voudrais le voir, le toucher, lui parler, le remercier de tant m'aimer, de m'avoir appris à l'aimer, à l'attendre avec tant de joie et d'impatience. Ce sentimentalisme, l'affirmation chaque fois répétée de son amour, brusquement l'excède. Vite, elle saute ces fâcheuses pages. Elle préfère revenir à des récits plus flatteurs qui reflètent davantage la jeune femme qu'elle est devenue grâce à la guerre. Comme souvent, c'est une lettre qu'elle a recopiée avant de la faire transmettre par une de ses compagnes en permission. Celle-ci est adressée à sa famille. 38 avenue Théophile Gautier, Paris, 16e. Je crois que mieux des paroles, l'enthousiasme de la foule. 21 août 1944. Mes adorables petits-parents, je commence juste à réaliser que je suis dans un pays libre et que je peux écrire ce que je veux. Je pense terriblement à vous. Avant-hier soir, lorsque les postes de la TSF criaient la libération de Paris, j'avais envie de pleurer, tant j'étais triste de ne pas y être. Pendant des jours et des jours, les convois allemands sont passés à Béziers. Dimanche dernier, mitraillage de la ville. De 5 à 9 heures du soir, les tanks ont traversé la ville en mitraillant. 15 morts, 50 blessés. Imaginez votre petite Claire avec sa copine Martine et un agent mettant une demi-heure pour arriver jusqu'à mon ambulance. Pendant 4 heures, Nous avons parcouru les rues de Béziers pour relever les blessés. Les balles sifflaient partout. C'était formidable. La venue de la nuit apporte une fraîcheur nouvelle qui fait frissonner Claire. Elle enfile un tricot sur son chemisier, allume les lampes et contemple avec satisfaction son reflet dans le grand miroir au-dessus de la cheminée. Son visage est reposé, ses traits détendus. Elle n'a plus cette expression sombre qui est la sienne souvent et qui déconcerte ses proches. Claire sent qu'elle doit reprendre sa lecture et s'installe confortablement sur son lit. Le cahier dans une main, une nouvelle cigarette dans l'autre. Elle choisit de relire une autre lettre adressée à ses parents. 28 août 1944. Mes chers parents, je me souviens de vous avoir écrit des lettres bien tristes qui étaient presque des adieux, tant j'avais peur de mourir. Cette peur ne venait pas uniquement des morts que je voyais, des bombardements, mais surtout de la vie que nous avons menée jusqu'à maintenant. Songez que la section a été, de janvier à ces jours-ci, le lieu de rencontre de tous les chefs de la résistance de la région. Jusqu'au débarquement, ils étaient deux ou trois chaque jour à déjeuner et souvent à coucher à la section. Notre chef était agent de liaison. Nous avions des armes plein la maison et mon ambulance a fait je ne sais combien de transports d'armes, d'explosifs, de chefs de maquis. Nous avons été chercher des maquisards blessés, prévenir le maquis de descendre d'Allemand. J'avoue que ce n'était pas de tout repos. Et il m'est arrivé d'avoir peur, surtout lorsque, par exemple, nous attendions notre chef René, qui ne revenait que plusieurs heures après le moment prévu. La Gestapo recherchait bien une femme du nom de René, mais ils n'arrivèrent jamais jusqu'à nous. Nous étions toujours sur le qui-vive et j'avais un passeport pour l'Espagne. Il m'est arrivé de partir en mission avec mon revolver et je vous assure que j'aurais su m'en servir. Nous étions heureusement très bien avec la commandante Tour qui nous donnait les permis que nous demandions parce que nous avions bien travaillé pendant les bombardements. Ils avaient une grande confiance en la Croix-Rouge française. Pour moi, c'était le côté désagréable de l'histoire, parce que si nous avions été prises, cela aurait compromis la Croix-Rouge, qui est une chose formidable et épatante. Pendant 48 heures, j'ai fait la tournée des maquis, aidant à distribuer des médicaments, soignant et amenant les blessés et les malades. À la fin de la première journée, je venais de faire le plein d'essence avec un maquisard, lorsque nous dépassâmes un gros camion de ravitaillement. Il me fit rouler au même niveau que lui et tout en braquant sa mitraillette sur le chauffeur, il lui ordonna de nous suivre. Ce soir-là, on fit bombance au maquis. Je ne vous parle pas du dîner, de cette soirée passée autour d'un feu de camp, des champs, ni du retour en pleine nuit avec des phares qui n'éclairaient pas et votre petite Claire qui s'est arrêtée pile devant un précipice. Ni de la nuit dans l'ambulance, sur les brancards pleins de sang, dans de sales couvertures qui couvrirent je ne sais combien de morts et de malades. Ni du sommeil qui, malgré tout, s'est emparé de moi. Oui ? Je descends dans la cuisine nous préparer un frichti. Tu viens avec moi ? Après, on ira voir si les autres sont au café. Oui, je termine ma valise, j'arrive. Demain, je quitterai Béziers pour retrouver ma famille à Paris, puis rejoindre l'armée. Je ne peux dire combien je suis contente, mais aussi combien je suis triste. Voilà un autre chapitre de ma vie qui se termine. 9 mois. Toute une vie. Et quelle vie! J'ai été heureuse ici et je regrette presque tout. Béziers est, je crois, la plus belle page de ma vie. J'aurais vécu pleinement, complètement. Claire contemple une modeste bague en fer blanc munie d'une fausse améthyste. Une bague de petite fille, qu'un jeune lieutenant, Jock, vient de lui offrir. Et dire que je ne verrai plus Jock. Pour la première fois de ma vie, un homme a pleuré devant moi tant sa peine était grande. C'est bouleversant, un homme qui pleure. Je n'aurais jamais cru que cela puisse être aussi beau. Cet après-midi, nous avons été ensemble à la plage. La mer était belle et nous étions tristes. Demain, départ à 6h. Adieu, Béziers. Une voiture dont la mission est de rapporter des médicaments et du matériel chirurgical se charge de conduire Claire à Paris. Son amie Martine est du voyage. Au fur et à mesure que Béziers s'éloigne, ce Paris qu'elle désirait tant revoir perd de son attrait. Que fera-t-elle au sein de sa famille? À quoi servira-t-elle? Elle ne se voit guère reprendre ses cours de sténodactylo, comme elle le faisait avant son entrée à la Croix-Rouge. La direction n'a pas encore répondu à sa demande de transfert auprès des armées, dans l'est de la France, où la guerre se poursuit. Elle ne craint pas un refus, non. La Croix-Rouge a besoin d'effectifs. Elle souhaite seulement que ça aille vite, qu'elle n'ait pas le temps de se laisser rattraper par la routine familiale, le confort et les distractions qu'offre Paris. Ah, la place de la Concorde. Mon Dieu, il n'y a plus un seul panneau écrit en allemand. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Pleine de charbon. Il y a cela un mois. Hier, des camions de divers tonnages ont pris la route pour ramener sur Paris ce charbon si nécessaire au moment où le froid devient de plus en plus, au moment où les malades des hôpitaux, les enfants des écoles et les vieillards ont le plus grand besoin de chaleur. C'est dans un entrepôt de Saint-Ouen que les camionneurs viennent déposer leur précieux charbon. Dimanche 22 octobre 1944. Me voici à Paris depuis 11 jours déjà. J'avoue ne pas encore y avoir été heureuse. Je n'ai aucune joie. Aucune. J'ai appris l'autre jour la mort de Jacques. Je ne peux dire combien cela m'a fait de peine. Je savais que je ne le reverrais pas, mais j'espérais tout de même. Il a été tué en Italie, dans la région de Cassino, je crois. Il était dans une jeep et il a été décapité. Pauvre Jacques. Il était adoré de tout le monde. Quand les autres parlaient tranquillement de sa mort, ils ne se rendaient pas compte de ce que cela me faisait. Jacques est le seul être que j'ai aimé. L'autre soir, lorsque j'étais au Lido, j'avais envie de pleurer. Tous ces gens qui dansaient me donnaient mal au cœur. Je voyais Jacques dans son cercueil. Depuis que je suis à Paris, j'ai revu un tas de vieux amis, mais à tous, j'ai envie de dire... Ce n'est pas vous que je voudrais voir, c'est Jacques. Depuis son retour, Claire peine à trouver sa place dans sa famille, dans le groupe encore clairsemé de ses amis. D'ailleurs, toutes et tous sont très occupés et de ce fait indifférents à ce qu'elle vient de vivre au sein de la Croix-Rouge. C'est particulièrement le cas avec son père et ses frères. Sa participation, même minime, à la résistance n'a pas suscité l'admiration qu'elle souhaitait. Et dont elle a tant besoin. Leur vie d'homme n'est-elle pas toujours plus importante? Tous ont d'abord voulu la convaincre que sa place, sa vraie place de femme, était auprès de ses parents. Elle a tenu tête. Depuis, ils ont cessé d'en parler. Claire attend maintenant d'avoir son ordre de mission. Elle est prête. Elle a fait nettoyer son uniforme qui l'attend comme neuf dans la penderie avec la croix de Lorraine épinglée au revers. Dans sa chambre de la rue Théophile Gautier, tandis que la pendulette lui apprend qu'il sera bientôt l'heure du dîner, Claire a envie tout à coup de la présence physique de son père, d'un tête-à-tête. Si elle osait, elle irait frapper à la porte de son bureau. Il doit être en train de travailler à un article pour le Figaro, ou bien il rédige quelques observations concernant la mise en scène de sa pièce, « Les mal-aimés ». Je vous dérange? Vous travaillez? J'ai fini. Assieds-toi un instant avant que ta mère ne nous appelle pour le dîner. Tu as vu les parents de Patrice? Ont-ils de ses nouvelles? Oui, j'ai été les voir. Patrice est toujours prisonnier en Allemagne. Il est très affaibli et souffre du froid et de la faim, évidemment. Ils craignent aussi un transfert dans un autre camp. Pauvre garçon. Comme il est injuste le sort de tous ces prisonniers français en Allemagne. Patrice m'a envoyé quelques lettres admirables de courage durant l'été. C'est un homme bien, très bien. Mais tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Je suis content que tu l'épouses. Il saura te rendre heureuse. C'est que tu es difficile, ma petite fille. Très difficile. Mardi 19 décembre 1944. Les Allemands ont déclenché samedi une grande offensive sur la frontière du Luxembourg et de la Belgique. Ils avancent. On sait qu'ils ont accumulé de grandes forces en hommes et en matériel. Alors comment ne pas être inquiet? Terriblement inquiet. On croyait les Allemands à bout de force, ils ne faisaient que se concentrer et accumuler. On n'avait vraiment pas besoin de cela. Quelle horreur! On craint toujours l'arme nouvelle dont on parle depuis longtemps sans y croire. On craint ce maquis brun, prêt à attaquer au premier signe de Darnan. On craint les Allemands qui sont restés dans l'ouest de la France. J'ai peur pour papa, que les hommes de Darnan abattront si Maurras est condamné à mort. Et il le sera. Jour après jour, le téléphone sonne à la maison et des menaces retentissent. Quand cesseront-elles ? Vous êtes souffrante, maman? Un nouveau coup de téléphone? Non. Maintenant, c'est la nuit qu'ils appellent. La sûreté prend ses menaces très au sérieux. Vous n'êtes pas seule à la maison, maman. Tu ne devais pas sortir avec ta sœur? Je n'ai plus envie. Maintenant, il faut vous lever. Le général va bientôt parler. Allez. Ainsi, avons-nous maintenant fait l'inventaire de nous-mêmes? Nous sommes blessés, là. Mais nous sommes debout. Or, devant nous se tient l'ennemi. L'ennemi qui, à l'ouest, à l'est et au sud, a reculé peu à peu. Mais l'ennemi encore menaçant, actuellement redressé dans un sursaut de rage, et qui va, au cours de l'année 1945, jouer, sans ménager rien, les derniers atouts qui lui restent. Toute la France mesure à l'avance les épreuves nouvelles que cet acharnement comportera pour elle comme pour ses alliés, mais toute la France comprend que le destin lui ouvre ainsi la chance d'accéder de nouveau par un effort de guerre grandissant à cette place imminente. Mercredi 22 août 1945. Je ne sais par quel bout commencer. Je me retrouve ce soir, après tant d'années, exactement au même point que j'étais avant la guerre. Je suis libre, je n'épouserai pas Patrice. Il m'a fallu des jours et des jours uniquement pour concevoir qu'au fond, je n'étais pas obligée de l'épouser. Elle imagine Patrice, son humiliation, sa raideur, sa hargne à son égard. A-t-il déjà annoncé la nouvelle à ses parents? Comme ils doivent être déçus et tristes. Un semblant de pitié l'envahit en pensant à eux. Mais très vite, un féroce instinct de survie l'a fait se reprendre. Tout est la faute de Patrice. Il a profité de sa condition de prisonnier de guerre pour lui extorquer un engagement. Le seul tort qu'elle se reconnaisse, c'est son goût pour l'écriture. Elle n'aurait pas dû se laisser aller au plaisir d'écrire des lettres d'amour. Allô, oui ? Mauriac ? Oui ? Vous partez cet après-midi pour l'Allemagne. Mademoiselle, c'est impossible. Je ne peux pas, je dois rester auprès de ma famille et... Je comprends très bien, mais on a besoin de vous pour rapatrier les prisonniers de guerre. Vous verrez, ce sera très intéressant. Août 1945. Cher papa et chère maman, quelle affreuse chose que Berlin. On ne peut vraiment pas imaginer la tristesse de cette énorme ville qui n'a pas une seule maison entière. Ce qui est mille fois plus affreux, ce sont les Berlinois qui vivent dans des caves et meurent de faim. J'ai déjà vu un type tomber dans la rue. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée dans des usines à moitié détruites à la recherche d'ouvriers disparus. J'aime mieux vous dire que cela n'a pas été rigolo. Je suis fatiguée et horriblement triste de tout ce que je vois. Les Berlinois n'ont presque plus l'air d'êtres humains. Boire de l'eau égale la mort. On ne mange que des conserves. Ce matin, au réveil, le moral n'était pas très bon. Maintenant, cela va beaucoup mieux. C'est tout de même tellement passionnant. Je vous embrasse très fort, mes parents chéris. Claire Mauriac. Dis-moi donc. Et une lettre de plus, une. Tu veux pas écrire à mes parents tant que tu y es, Claire ? Oh, je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de dormir. Allez. Au lit, mes jolies. Ça m'étonnerait. J'éteins ? Oui. C'était « Mon enfant de Berlin » d'Anne Wiesiemski. Adaptation Victoria Cario. Premier épisode « La guerre n'est pas finie » avec Aurélia Petit, Claire, Pauline Giadé, Martine, Céline Milia Baumgartner, Mistou, Mélanie Bestel, Roland, Philippe Lofredo, François Mauriac, Colette Marie, Jeanne Mauriac, Sandra Velocia, la chef, et Anne-Claude Romary, la narratrice. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Renaud Flezin-Rosic, Marie Le Peintre, Pierre Mine. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Laurence Courtois. Mon enfant de Berlin d'Anne Wiesiemski est publié aux éditions Gallimard.